La web radio du Printemps des Arts de Monte Carlo vous invite dans la discothèque du clarinettiste Alain Damien. c'est très intimidant d'imaginer et de proposer des musiques qui sont dans ma vie musicale, et des musiques qui m'ont accompagné et qui m'accompagnent toujours. Alors j'ai choisi plusieurs thèmes, pas des thèmes musicaux, mais des thèmes tels que le premier, la musique qu'on veut écouter pour soi-même dans le calme, des musiques où il y a une puissance, bien sûr, mais des musiques que j'appelle, il n'y a pas que moi qui l'appelle, mais de la puissance de la douceur. Alors j'ai choisi Mozart, ce troisième mouvement de la grande partita. J'ai choisi l'enregistrement avec l'ensemble intercontemporain, avec Pierre Boulez, un souvenir magnifique, car Pierre Boulez adorait la grande partita, et il adorait Mozart énormément. Et je me souviens qu'on parlait beaucoup aux répétitions, au déjeuner, entre deux répétitions, à la pause, et parlait beaucoup de Don Juan, qu'il connaissait par cœur, mais vraiment plus que par cœur. Et c'était un souhait, un projet qu'il avait. Il voulait faire ça avec Patrice Chéreau. Hélas, la vie en a décidé autrement. Et j'ai choisi aussi Mozart parce que il n'y a aucune note à enlever. Tout est là, tout est dit, et il nous emmène quelque part, je ne sais pas où, mais dans cette douceur. Et je, en préparant cette émission, je lisais ce livre, j'aime bien faire de la publicité, une très belle publicité, de Anne Dufour-Mantel, où elle écrit sur la puissance de la douceur. Et en ouvrant ce livre, j'ai retrouvé, elle met à la page 123, une phrase de Marcel Proust qui dit « Sous toute douceur charnelle, un peu profonde, il y a la permanence d'un danger. » Alors, il y a des musiques que j'ai du mal quelquefois à écouter plusieurs fois parce qu'elles sont trop fortes, elles me déstabilisent. Il y a des moments où je peux écouter. Et là, je vous propose encore dans la douceur un interprète qui me déstabilise toujours, qui est Richter, et surtout quand il joue Schumann. Alors, un peu de douceur avec cette pièce pour piano de Schumann qui s'appelle Warum, pourquoi ? Thank you. Oui, Schumann, Richter, bien sûr, pour moi, c'est un choc permanent. Et c'est très important d'écouter, par moment, de la musique seule, et de se laisser porter, de s'abandonner, et que de laisser la musique rentrer dans son propre corps, dans son propre être entier, c'est-à-dire écouter, sentir, ressentir la musique et vraiment se laisser aller. Et nous sommes encore dans la douceur de la musique, et comme c'est la nuit de la clarinette, j'ai pensé à une autre œuvre de la douceur, j'ai pensé au deuxième mouvement du quintet de Brahms, où là, la clarinette va dialoguer avec des cordes, toujours dans un mouvement assez, bien sûr, lent, mais sous un rythme presque, où il y a trois rythmes presque, un mouvement de triolet, un mouvement de croche, et un mouvement rien que des noirs. Donc on peut penser une subdivision, on peut penser à une triple subdivision, et à une phrase qui nous emmène, puisque quand on joue de la musique, on cherche perpétuellement la ligne musicale, chercher la tension musicale. L'énergie, là, nous sommes encore dans l'énergie, mais intérieure, avec ce mouvement du quintet de Brahms. C'est un, bien sûr, un court extrait. Mais de temps en temps, c'est important de couper un peu la musique pour rester sur un désir d'écouter plus tard soit le mouvement en entier, soit le quintet en entier. C'est un petit peu frustrant, mais c'est important de rester un tout petit peu sur sa fin. Comme ça, on a encore plus faim pour écouter encore d'autres musiques. On pourrait mettre, bien sûr, Debussy, l'après-midi d'un faune. On pourrait mettre la Passacaille de Webern. On pourrait aller dans certains mouvements de Mahler, etc. On pourrait aller dans Schubert, les œuvres pour chœur. Et sur ce thème, presque de la douceur et de la nuit, du silence, j'ai envie de finir par Bach et Gould pour une phrase que je trouve tellement juste et tellement drôle que Gould a dit « On ne joue pas du piano avec ses doigts, mais avec sa tête ». Le clarinettiste Alain Damien présente sa discothèque à la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo. Il y a un deuxième thème, si je puis dire, maintenant en musique, après la douceur, il y a ce qu'on appelle, ce que j'appelle, et tout le monde appelle la même chose, maintenant l'énergie. Alors la musique, c'est aussi de l'énergie, c'est une vibration, et je voudrais mettre trois compositeurs, ce sera encore sans aucun problème, il y aura encore Beethoven, Liszt, et on va avancer dans le siècle avec Alban Berg. Et d'abord, Arthur Schnabel, qui a enregistré toutes les sonates de Beethoven, et ce qui m'a séduit, enfin touché, c'est même pas de la séduction, c'est que quand on écoute Schnabel, il ne cherche pas à séduire. Il est dans la musique, il est dans le son et il est dans l'orchestration. Et quand moi j'entends Schnabel jouer une sonate de Beethoven, j'ai l'impression d'entendre un orchestre, par moments des bois, des cuivres, des cordes, un crescendo, un diminuendo. Et avec l'autre grand pianiste, qui est Maurizio Pollini, ce sont pour moi deux pianistes, j'insiste là-dessus, qui ne veulent pas séduire, au sens où on veut séduire, par exemple, comme une photo de mode, de magazine, où la photo est parfaite, il n'y a rien à dire, c'est parfait. Mais il y a, pour moi, il y a rien qui se dégage. Et j'ai pas connu Schnabel, bien sûr, mais j'ai la chance d'avoir bien joué souvent avec Pollini, et on en parlait toujours de cette chose, de ce silence. Et il y a quelque chose dans, qu'on apprend avec ces grands artistes, c'est une concentration maximum et un état de conscience. Il n'est pas modifié, mais on bascule dans un autre monde. C'est-à-dire que j'ai fait, je sais pas, au moins une dizaine de fois les pièces de Berg avec lui, parce qu'il adore Berg, et il voulait chaque fois Dialogue dans l'ombre double de Boulez, et lui faisait Beethoven ou Liszt ou Chopin. Et quelque chose de fascinant, c'est que juste avant d'entrer en scène, pour faire les quatre pièces de Berg, je sentais chez lui que c'était, maintenant on est dans un autre monde, on est dans le monde du son. On est dans le monde du silence, mais on va mettre cette vibration. Et il y a une sorte de... Il y a une phrase. La clarté s'évanouit dans l'air. Et avec Pollini, il pouvait avoir, je sais pas, une bombe qui explose. Ça va durer qu'une seconde et continue. Et aller encore plus loin, au plus loin de... Plus loin, encore, encore, encore à chaque fois. Chaque concert, c'était pas une épreuve du tout. C'était un bonheur immense. Et je me souviens, la première, j'insiste surtout, j'en parle beaucoup aux étudiants, la première fois que j'ai rencontré Mauricio Pollini, où j'étais très, très impressionné, et il me dit, moi, je ne connais pas les quatre pièces de Berg, vous allez me dire, hein, s'il y a des choses qui vous gênent, que je ne fais pas, pas bien, donc... Déjà un peu gêné. On a commencé par jouer. Alors, on a joué une pièce, deux pièces, trois pièces. On a joué les quatre pièces. Puis, à un moment, il a dit, bon, maintenant, on va travailler. Et la répétition, ça a duré 2 heures. Et je me suis souvenu, à peu près, que j'avais joué au moins une quinzaine de fois les pièces de Berg en enchaînant. Et là, je vous apprenais dans cette épreuve... comme ça, un travail comme ça, énormément sur vous-même, sur la musique, et aussi, qu'est-ce que c'est de passer de la loge où on attend pour le concert, d'un seul coup, à 1 minute, 30 secondes, 10 secondes, le son arrive. C'est-à-dire qu'il y a toujours deux silences, pour moi, très importants. Le silence poli, vous rentrez sur scène, le public vous applaudit, très bien, il y a un silence, et il y a un moment, il y a ce silence, une sorte de captation, quelque chose, que je ne peux pas expliquer, où il y a le silence et le son, la première note, soit pianissimo, soit fortissimo, arrive. Et donc, c'est la même chose, si on écoute Schnabel jouant Beethoven, il y a quelque chose, il vous emmène, il vous prend. Alors, soit il vous prend à la gorge, soit il vous empêche de bouger, mais il vous met dans un état et il vous dit, voilà, ça c'est Beethoven pour moi, c'est comme ça que je l'entends, c'est comme ça que je veux le jouer. Point final. Si vous êtes venu pour écouter, vous êtes venu librement. Vous n'êtes pas venu pour être séduit. Voilà. Donc, écoutons un peu Schnabel. Avec une prise de son qui date de l'époque, c'est ça qui est extraordinaire, avec un piano qui date aussi de l'époque. Thank you. Avec Schnabel, on sent quelque chose qui me touche énormément, c'est qu'il n'y a pas de montage à toutes les notes. Il n'y a pas. Il y a même quelquefois, bon, peut-être il accroche un peu une note. Mais ça, ça n'a aucune importance. L'essentiel, c'est qu'il se passe quelque chose et qu'il ait sa propre vision et, je répète encore, qu'elle ne soit pas dans la séduction. Et la transition avec Liszt et Paulini, c'est que le début de cette sonate de Liszt, où il y a seulement note, silence, la concentration est tellement énorme, physique, et ça me fait penser à la phrase que disait Schoenberg, jouer une note comme un roman. Et en plus, avec beaucoup d'humour, Boulez a ajouté, non, ça suffit pas. Jouer une note comme si c'était une question de vie ou de mort. Ça, c'était son humour. Bien sûr, de Boulez, je peux en parler très longtemps. J'ai eu tellement la chance de le côtoyer. C'était un homme tout à fait drôle et qui aimait énormément l'artisan, le musicien. Et il demandait toujours, faites ce que vous pouvez. N'essayez pas d'aller au-dessus de ce que vous ne pouvez pas faire. Mais surtout, je n'accepterai jamais que vous interprétez ou vous jouez en dessous de ce que vous pouvez faire. Et là, quand on rencontre des gens comme ça, comme Paulini, comme Stockhausen, comme Boulez, comme Berlioz, que j'ai eu la chance de vraiment de connaître, et pas de dire, pas de boire un café comme ça, parler, non, pas du tout, de travailler au plus près. Là, on apprend. Et donc, si on écoute bien le début, je parlais de l'énergie, le rythme, la pulsation, là, il se passe quelque chose. Le clarinettiste Alain Damien présente sa discothèque à la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo. Que dire, c'est... La musique, qu'est-ce que c'est ? La musique, c'est pas moi, je ne sais plus qui, mais je crois que c'est un très très grand interprète. On lui demandait, mais c'est quoi la musique ? Vous pouvez nous dire ? Et il avait répondu, eh bien je vais recommencer, je vais rejouer. Oui, mais c'est quoi la musique ? Bon, écoutez, je vous rejoue. Parce que définir qu'est-ce que la musique, une phrase encore de Luciano Berio qui me revient, je parlais avec lui, on parlait beaucoup, il était souvent à l'Ensemble Intercontemporain, et il me dit, mais moi je me suis cassé la tête dans des conférences à expliquer la musique, l'origine de la musique, toutes les musiques, il y a un moment je ne savais plus. Et puis, je me suis posé la question, si quelqu'un peut dire pourquoi les hommes ont besoin de musique, si vous répondez à cette question, vous avez répondu à toutes les questions. Alors, c'est une façon de répondre qui peut paraître un peu facile, bien sûr, mais c'est assez juste. Pourquoi on a besoin de musique ? Alors, l'énergie, le rythme, la virtuosité... maintenant j'ai envie de revenir dans mon instrument, la clarinette, et je pense à une pièce assez courte d'un compositeur qui s'appelle Philippe Fénelon, qui est pour harpe, alto, trombone et clarinette, où il demandait presque des choses pratiquement impossibles. Et je me rappelle d'une seule chose, vraiment, que j'ai dû travailler énormément pour essayer d'aller au plus près de la partition, de ce qu'il avait écrit. C'était un challenge technique, physique, et cette pièce s'appelle Orion, que nous avons enregistrée avec les membres de l'Ensemble Intercontemporain. Thank you. j'ai choisi ce court extrait parce que ce que j'aime dans les compositeurs, et quand je les interprète, c'est de sentir qu'il y a une sincérité. Et donc, c'est assez abstrait, mais en même temps, c'est d'une grande... j'ai envie de dire le contraire, c'est une grande politesse, et à la fois, c'est pas poli. Est-ce que la musique est polie? Est-ce que la musique est morale ou immorale? Est-ce que la musique est belle? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on met en dessous de ce mot? Qu'est-ce qu'on cherche? La musique n'est ni belle, n'est ni affreuse. La musique, c'est la musique. Mais c'est l'intelligence des compositeurs qui nous font, qui nous élèvent d'ailleurs, qui nous rendent un peu plus intelligents. Donc ça, c'est important pour moi. J'ai dit tout à l'heure, oui, les compositeurs, grâce à Pierre Boulez, que j'ai pu rencontrer depuis la création de l'ensemble intercontemporain, m'ont élevé, vraiment. J'ai pu découvrir, je ne connaissais pas l'école de Vienne, mais Boulez avait mis une patience énorme aux répétitions pour finalement nous éduquer. Il nous faisait une analyse de la pièce, qui n'était jamais didactique, mais pour créer chez nous une mémoire. Et donc, on arrivait finalement au concert, je me souviens de la suite opus 29 de Schoenberg, on jouait quasiment par cœur, sans pratiquement pas le regarder. On suivait juste son geste physique, comme ça, juste sa main, qui donnait l'impulsion. On le suivait et il nous suivait en même temps. Ça, c'est assez rare. Et peut-être tout à l'heure, je parlerai aussi du travail que j'ai eu avec Stockhausen. Ça, c'est important pour un interprète de rencontrer les compositeurs. Voilà. Et pour finir sur ce thème de l'énergie, la virtuosité et du rythme, bah maintenant, je vous propose d'entendre Count Basie. Les jazzmen m'influence énorme parce que les jazzmen ne se préoccupent pas de savoir si leur son, leur sonorité est belle, entre guillemets. Ils ne se préoccupent pas trop de savoir si l'intervalle de quarte ou de tierce majeure ou tierce mineure est juste. Non. Ils jouent. Ils sont là, ils sont dans l'acte. Thank you. Vous êtes dans la discothèque du clarinettiste Alain Damien sur la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo. Un troisième thème que je voudrais aborder, c'est la musique objet ou sujet sonore. Alors, l'objet, bien sûr, c'est les instruments, mais le sujet, c'est toujours la musique. Et ces objets, je pense au compositeur Elliot Carter, Steve Reich, Lahrenmann, Webern, Donatoni, Cage, Xenakis, Boulez. Et je vous propose déjà une petite pièce de Carter pour clarinette qui s'appelle Gras, et où les silences sont très importants, des silences très courts. Il y a des moments pas de silence, ce sont presque des gestes physiques, physiques, gestes musicaux et gestes physiques. Continuons avec un autre compositeur, un autre Américain, c'est ça qui est très intéressant, Carter et Reich. Elliot Carter, Steve Reich. Et là, je vous propose tout de suite le troisième mouvement de New York contrepoint. Donc, c'est fait pour 11 clarinettes. Et je préviens pour, comment on dit, mes amis clarinettistes, si vous voulez enregistrer les 11 parties de New York, je vous préviens que c'est très, très, très difficile. Parce que pour réaliser que toutes les notes, tous les rythmes et toutes les clarinettes soient parfaitement ensemble, ce qui est une chose qui n'est pas possible à l'enregistrement, qui est possible au concert, ça passe, mais à l'enregistrement, ça ne passe pas. Donc, il faut vous entourer d'un ingénieur du son très fort et très patient. Maintenant, je vous propose de changer de monde sonore. Un autre compositeur que j'apprécie énormément, qui s'appelle Helmut Lahrenmann. Oui, la chance d'avoir travaillé avec lui quand on a enregistré son trio Fluido, c'est que, mis à part que c'est un homme charmant et d'une culture énorme, et avec beaucoup d'humour, nous avions déjà travaillé au moins 8-10 répétitions entre nous. Et Helmut Lahrenmann arrive, bon, ça, bonjour, tout ça, etc., formidable. Il dit, bon, vous avez fait combien de répétitions ? On lui dit, Helmut, on a fait 8-10. Ah, c'est pas assez. Pour bien jouer, c'est pas assez. Et on a commencé à lui jouer. Mais tout de suite, alors, il disait des choses parfaitement justes. Non, là, ça, c'est trop fort, ça, c'est trop... trop court, ça c'est trop long, maintenant il faut équilibrer le pids, la clarinette, le souffle, le son, et on est parti dans un monde merveilleux, et en même temps, ce qui était très fort, c'est que Helmut Lahrenmann, pour montrer au grand pianiste, c'était Pierre-Laurent Aymard qui jouait, Helmut Lahrenmann se mettait au piano, parce qu'il montrait. Et même quelquefois, j'ai entendu, il s'amusait à jouer un peu de Schubert, etc. Il avait un toucher extraordinaire. Donc, c'est une musique magnifique, je trouve très sensible. Et quand, en parlant, je pense que j'aurais pu intituler cette émission, ce partage, d'un domaine à un autre. Et d'un domaine aux autres. C'est-à-dire que comme la musique est... toute la musique est en relation, comme dans la pièce de Laborinthus de Berlioz, on change d'un domaine à un autre. Et Domaine, c'est une des grandes pièces de Pierre Boulez pour clarinette et ensemble. J'en vais en parler un tout petit peu après. C'est-à-dire que d'un domaine à un autre, c'est comme si en une après-midi, on se retrouvait au musée à New York, au MoMA. Une heure après, on se retrouve au musée Picasso. Une heure après, on se retrouve à Madrid. Une heure après, on se retrouve... Et c'est ça qui est intéressant. Dans une journée, il peut se passer tellement de choses. Et de changer de domaine, c'est très important. D'abord, on reçoit des chocs, ça reste en mémoire, et ça continue, et on a envie de revisiter. Écoutons un peu de Helmut Lahrenmann. Vous êtes dans la discothèque du clarinettiste Alain Damien sur la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo. Et je vous propose d'enchaîner sur une musique bien sûr très forte, mais passionnante parce que c'est une mélodie de timbre. Et j'ai envie de dire, et je dis d'ailleurs, c'est dans ces pièces opus 10, il n'y a pas une note à changer. Tout est parfait. Mais bon, à discuter, c'est parfait. Il n'y a pas une note à changer, à enlever. C'est un peu comme dans Debussy, dans Mozart. Non, tout est là, tout est juste. Et tout est juste et parfait. Donc les pièces opus 10 de Webern ne font que 4 minutes 28. Et on est perdu dans le temps. C'est ça qui est extraordinaire. Après ces pièces opus 10 de Webern, bien sûr dirigées par Pierre Boulez, il avait une passion pour Webern. Et donc, cette passion, d'ailleurs, il la communique en dirigeant, ou il la communiquait en dirigeant. Et c'était même pas un plaisir, plus qu'un plaisir. C'était extraordinaire. Et il y avait en même temps une joie de diriger, une joie de vivre cette musique et donc cette transmission réelle d'ailleurs, transmission dans le geste et transmission dans l'éducation des musiciens, de l'ensemble, c'est vraiment transmettre. Et j'ai toujours senti qu'avec Boulez, entre les musiciens et lui, il mettait quelque chose qui était au milieu, c'est simple, c'est la partition. Et toute question sur une interprétation, on trouve la réponse dans la partition, toujours. Et c'est formidable, c'était pas lui qui commandait la musique, on commandait la musique ensemble, vraiment. D'ailleurs, c'est pour ça, un ensemble intercontemporain. Et ça, c'est grand souvenir. Et donc, Boulez, Webern et Webern, Boulez, je vous propose un extrait de Domaine, avec l'ensemble intercontemporain, dirigé par Pierre Boulez et moi-même à la clarinette. C'est un concert live. Ce qui est intéressant, c'est que les titres sont intéressants chez Pierre Boulez. Domaine, donc d'un domaine à un autre, explosante fixe, dialogue de l'ombre double, répond, etc., etc. Il y a toujours ce jeu de miroir, ce jeu d'aller au plus profond. Les titres sont poétiques et la musique est tellement travaillée. Et donc de Domaine, donc Domaine c'est 1967 à peu près, il a fait beaucoup de reprises et à un moment il a dit bon stop, j'arrête, je ne veux plus qu'on joue cette pièce, je vais tout réécrire. Et donc il a fait quoi? Il a pris le cahier A, qui dure 40 secondes, et il l'a transformé en dialogue de l'ombre double, qui dure 18 minutes. Donc écoutons un extrait de Domaine. Thank you. Thank you. Thank you. Le clarinettiste Alain Damien présente sa discothèque à la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo. Il y a un dernier thème que j'aimerais aborder. Je ne peux pas expliquer tout ce thème qui est l'instrument qui est la voix. Alors il y a la voix parlée, la voix travaillée, la voix instrumentalisée, la voix qui se rapproche d'un instrument. Et il y a la voix aussi des hommes qui parlent. Et une voix a toujours un intervalle, une vitesse, un rythme. Et dans, que ce soit pour moi, dans la musique de Boulez ou de Schoenberg ou Berlioz, la voix, on dit toujours que la voix c'est l'instrument le plus humain. Mais en tant qu'interprète, on essaye de s'imaginer que nous avons, c'est une voix, comme si j'avais oublié le jour du concert, un cauchemar, j'oublie ma clarinette et je vais jouer la séquence de Berlioz ou les pièces de Stravinsky ou Dialogue de l'ombre double. Mais on doit essayer d'arriver que le public finalement entendre la clarinette alors que je n'ai pas de clarinette dans mes mains. Ça me fait penser à une pièce de Mauricio Kagel qui avait écrit pour des musiciens qui étaient interdits de jouer. Et c'était une pièce, on était sur scène, il y avait un hautbois, une clarinette, je crois, un basson, et plusieurs instruments, mais on avait une interdiction d'émettre un son avec nos instruments. Donc on devait chercher une imitation, l'oboïste cherchait à chanter comme son hautbois, moi comme ma clarinette, et on devait essayer de reproduire les sons, puisqu'on n'avait pas le droit de toucher, souffler dans nos instruments. Ça, c'est une expérience drôle, on a beaucoup ri, mais qui d'un seul coup, quand on voit les musiciens sur scène, et qui ne vont jamais jouer, mais qui vont seulement parler, se transformer en chanteurs, là, c'est assez impressionnant. Donc, la voix... commençons par Berlioz, bien sûr. La voix, c'est important. Et je vous propose d'entendre la voix de Eduardo Sanguinetti, le poète italien, qui a écrit une phrase qui correspond à chaque séquenza de Luciano Berlioz, c'est-à-dire la harpe, la clarinette, la flûte, etc., la trompette, le piano et tout ça. Et la voix du poète est tellement musicale qu'on sent, quand vous écouterez toutes les interprétations, ça existe en disque, mais on sent que les mots employés correspondent exactement au timbre, à la vitesse de chaque instrument. Incipit sequentia sequentiarum, quae est musica musicarum secundum Lucianum. Mi muovo piano piano, ti sfaccetto, ti esploro le facce, ti palpo, meditabondo. Di volto e rivolto variandoti, tremando, ti tormento, tremendo. Ho ascoltato catene di colori muscolosamente aggressivi. Ho toccato i tuoi ruvidi rumori rigidi. Sei instabile e immobile, mio fragile frattale. Sei tu questa mia infranta forma che trema. Voglio le tue parole e voglio distruggerle in fretta, le tue parole, e voglio distruggermi me finalmente, veramente. Il mio capriccioso furore fu già la tua livida calma. La mia canzone sarà il tuo silenzio lentissimo. Mi disegno contro i tuoi tanti specchi, mi modifico con le mie vene, con i miei piedi, mi chiudo dentro i tuoi occhi. Ho moltiplicato per te le mie voci, i miei vocaboli, le mie vocali, e grido adesso che sei il mio vocativo. Il tuo profilo è un mio paesaggio frenetico. Tenuto a distanza, è un falso fuoco d'amore che è minimo, è morto. Ti dico perché, e sono la secca smorfia di un clown. Perché vuoi sapere, ti dico perché? E qui incomincia il tuo desiderio, che è il delirio del mio desiderio. La musica è il desiderio dei desideri. Ti ritrovo, mia puerile pseudodanza innaturale, ti chiudo in un cuore, in un cerchio, e ti interrompo, ti rompo. Mia forma fragile, sei instabile e immobile. Sei tu questo mio infranto frattale che ritorna e che trema. E così ci comporta un accordo che gentilmente ci chiude, plebeo. La catastrofe è in mezzo, è nel cuore, ma ci sta recintata, arroccata. descrivi nei confini e stringimi in echi, in riflessi. A lungo e disinvoltamente diventami me, tu per me. Je suis toujours impressionné quand je réécoute, quand j'entends la voix de Eduardo Sanguinetti. Et j'ai envie de proposer très tout de suite qu'on entende Cathy Berberian chanter, parler, jouer, théâtraliser, théâtre intérieur, théâtre extérieur, La Seconda pour voix de Luciano Berio. Do sing. Continuons avec Luciano Berio, qui a tellement écrit pour la voix. Je repense à cette grande pièce Corot. Aussi, il se sert de la voix dans Labyrinthus, et il se sert de la voix, bien sûr, dans les folk songs. C'est-à-dire que l'esprit de ce compositeur d'une grande culture qui ne voulait pas de barrières entre les siècles de musique, de barrières, de frontières entre les différentes cultures, qui voulaient toujours regrouper regrouper peut-être les esprits, les hommes, très important. C'est le contact même avec Luciano Berio vous donnait de la douceur. Il était très, très exigeant. Mais il pouvait parler de tout, de Monteverdi, de toutes les musiques. Et j'ai envie de continuer avec un extrait de Folk Song. Nous Après cet extrait de Folksong de Luciano Berio, j'ai entendu, un jour nous avons fait un concert avec l'ensemble, Pierre Boulez, et nous avons fait Répond, cette grande pièce, mais en première partie, il avait tenu à mettre des madrigaux de Gesualdo. Et je trouve que le rapprochement était très très fort, c'est-à-dire que le temps, quand on dit historique, mais le temps n'existait plus. Et ça donne quelque chose d'avoir entendu ces madrigaux. Ensuite, nous avons joué Répond. Comme on dit dans le mauvais vocabulaire, ça fonctionne. Et ça nous interroge. Je ne peux pas, bien sûr, parler de cette musique. Il faut être un spécialiste, et même les mots seront toujours d'une banalité. Donc je préfère qu'on écoute. Vous êtes dans la discothèque du clarinettiste Alain Damien sur la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo. Dans la voix, dans les voix, il y a toujours quelque chose qui nous transporte, qui nous émeut, qui nous fascine, qui nous oblige à réfléchir, à sentir. Et la voix, ce qui est fascinant, c'est que c'est vraiment notre corps. Et quand on enseigne, alors on enseigne la clarinette, quelquefois on a des problèmes pour essayer de libérer un peu des étudiants, pour trouver une interprétation, de s'oublier un peu soi-même et oublier l'instrument. Et quelquefois je me suis posé beaucoup de questions et je ne voulais pas parler de l'instrument. Et j'avais trouvé une clé comme ça, c'était de proposer à un étudiant qu'il écoute les chansons de Barbara. Pourquoi Barbara ? Parce que son phrasé est extraordinaire, son phrasé est très très émouvant, les paroles aussi sont bien sûr très fortes, mais c'est tellement naturel et tellement entendu, c'est tellement travaillé. On sent que comment elle articule, comment elle respire, comment elle envoie sa voix dans l'espace. Et ça a aidé des étudiants à trouver de l'articulation, la force, le son, peut-être même la couleur sonore, de goûter les intervalles quand on joue, de les sentir. Voilà. Donc écoutons un peu Barbara, c'est toujours très... très bon à écouter. Sur le grand bassin du château de l'idole, un grand cygne noir portant rubis au col dessinait sur l'eau de folles arabesques. Les gargouilles pleuraient de leur rire grotesque. Un Apollon solaire de porphyre et d'ébène attendait Pygmalion assis au pied d'un chêne. Je me souviens de vous et de vos yeux de jade, l'appât à Marienbad, l'appât à Marienbad. Mais où donc êtes-vous? Où sont vos yeux de jade, si loin de Marienbad, si loin de Marienbad? Je portais en ces temps étole d'Angoulevent qui chantait au soleil et dansait dans l'étang. Vous aviez les allures d'un dieu de lune, un cas en ces fièvres, en ces lieux, en ces époques-là. Et moi, pauvre bestole, au vent de vos envies, au cœur de vos dédales, je n'étais qu'Ophélie. Je me souviens de vous, du temps de ces aubades, l'appât à Marienbad, l'appât à Marienbad. Mais où donc êtes-vous? Vous chantez vos aubades, si loin de Marienbad, bien loin de Marienbad. C'était un grand château au parc lourd et sombre, tout propice aux esprits qui habitent les ombres. Et les sorciers, je crois, y battaient leur sabbat. Quel curieux sacrifice en ce temps-là. J'étais un peu sauvage, tu me voulais câline. J'étais un peu sorcière, tu voulais Mélusine. Je me souviens de toi, de tes soupirs malades, l'appât à Marienbad, à Marienbad. Mais où donc êtes-vous? Où sont vos yeux de jade, si loin de Marienbad, bien loin de Marienbad? Mais si vous m'appeliez un de ces, pour parler un instant aux croix de nos chemins, j'ai changé, ça crachez-le, mais je suis comme avant, comme me font, me laisse et me défend les temps. J'ai gardé près de moi l'étole d'Angoulevent, les grands gants de soie noire et l'anneau de diamant. Je serai à votre heure au grand château de Jacques, au cœur de vos dédales, la femme à Marienbad. Nous danserons encore dans ces folles parades, l'œil dans tes yeux de jade, la femme à Marienbad. Avec tes yeux de jade, nous danserons encore la pas à Marienbad, la pas à Marienbad. Mais me reviendras-tu au grand château? Alors toujours, oui, j'ai envie de dire merci à Barbara de dessiner la musique, dessiner la mélodie. Ça m'impressionne toujours. Alors, on écoute Barbara, bien sûr, pas trop souvent, parce que quelquefois, ça remue un peu, Barbara. Et j'ai envie de... Oui, j'ai pas envie, je vous propose... Une pièce que j'ai découverte il y a quand même pas mal d'années et que j'ai réécouté il y a quelque temps. Et la première fois que j'ai entendu, j'ai eu un choc énorme. Parce que là, c'est de la voix parlée, c'est orchestré, il y a un orchestre, le sujet est bouleversant, mais il finit quand même sur une note d'espoir. Donc je ne ferai pas d'analyse sur cette pièce qui s'appelle... Le survivant de Varsovie, le titre déjà dit beaucoup de choses. Il y a des très grands spécialistes, et je ne suis pas un pour parler de Schoenberg et du survivant de Varsovie. Si vous voulez, bien sûr, on trouve dans les livres, on trouve tout, les analyses. Moi, je préfère recevoir la musique pour moi-même et... que cette musique me questionne. Et c'est tellement fort dans la dynamique, dans le langage, et c'est fort aussi dans l'espoir. Many years, the forgotten creed. But I have no recollection how I got underground to live in the sewers of Warsaw for so long a time. The day began as usual. Réveille! But it still was dark. Get out! not whether you slept or whether worries kept you awake the whole night. You had been separated from your children, from your wife, from your parents. You don't know what happened to them. How could you sleep? Guppets again! Get out! The sergeant will be furious! They came out, some very slowly, the old ones and the sick ones, some with nervous agility. They fear the sergeant. They hurry as much as they can. In vain. Much too much noise, much too much commotion, and not fast enough. The Feldwebel shouts, Achtung, stillgestanden! Na, wird's mal, oder soll ich mit dem Gewehrkolben nachhelfen? Na gut, wenn ihr's durchaus haben wollt. The sergeant and his subordinates hit everyone, young or old, strong or sick, guilty or innocent. It was painful to hear the groaning and moaning. I heard it, though I had been hit very hard, so hard that I could not help falling down. We all on the ground who could not stand up were then beaten over the head. Have been unconscious. The next thing I heard was a soldier saying, they are all dead. Whereupon the sergeant ordered to do away with us. There I lay aside, half conscious. It had become very still. Then I heard the sergeant shouting, Abzel! They started slowly and irregularly. One, two, three, four. Achtung! The sergeant shouted again, Rasche! Nochmals von vorne anfangen! In einer Minute will ich wissen, wie viel ich zur Gaskammer abliefere! Abzählen! Again, again, first slowly, one, two, three, four, became faster and faster, so fast that it finally sounded like a stampede of wild horses. And all of a sudden, in the middle of it, they began singing the chivalry! Thank you. Après Schoenberg, je pense qu'on ne peut pas se quitter sans évoquer Alban Berg. Alban Berg, peut-être le plus romantique de ces trois compositeurs. Alban Berg, nous sommes presque encore dans Schumann, nous sommes par moments un peu dans Brahms, nous sommes dans Alban Berg dans les opéras qui vont arriver. Et quelquefois on m'avait demandé, mais pour entrer dans la musique du XXe siècle, on m'a dit, mais quelle œuvre vous nous conseillez? Et je pense tout de suite, moi, les pièces Opus 6 de Berg. Et je vous propose le dernier mouvement qui est là, marche. Le clarinettiste Alain Damien présente sa discothèque à la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo. Pour un bouquet final, j'aimerais proposer et vous faire écouter maintenant une pièce. On va revenir à la clarinette, qui est le concerto d'Eliot Carter. La nuit de la clarinette, bien sûr, je pourrais passer Dialogue de l'ombre double, qui est une pièce maintenant et heureusement jouée, enregistrée, beaucoup. Mais le concerto pour clarinette d'Eliot Carter qu'on a créé à l'Ensemble Intercontemporain avec Pierre Boulez, je trouve que c'est une œuvre qui résume tout, c'est-à-dire la douceur, la violence, le rythme, l'énergie, une forme d'expression très forte par moments dans des mouvements lents. Et il y a quelque chose qui ressemble Berg, Schoenberg, Boulez, le timbre, la force d'aller au plus loin, au plus loin, au plus loin. Et je me rappelle quand j'ai eu, c'est un honneur, bien sûr, de créer ce concerto, je voulais à tout prix lui jouer, bien sûr, avant la première. Et donc, j'ai insisté vraiment pour aller le voir. J'étais le voir à New York. On a commencé par parler très, très gentiment. Il parlait d'un français magnifique, magnifique. Et il parlait de musique, il parlait beaucoup de peinture, de littérature. Il parlait énormément. Et à un moment, je sentais que l'heure tournait. Et je lui demande très gentiment, je dis, bon, j'aimerais vous jouer. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il m'a dit, mais oui, c'est vrai. Bon, on va aller dans le bureau où il y avait son piano. Il a sorti la partition d'orchestre, il l'a mis sur le piano. Et ce que j'apprécie, et que c'est ce qui est touchant, c'est qu'à un moment, j'ai senti sur son visage que nous allions passer dans la musique. Donc, le corps se transforme. Et là, on a commencé à travailler, à travailler, à travailler. Donc, il m'arrêtait, il me reprenait, me demandait les intervalles encore plus grands, des tensions plus fortes, des dynamiques encore plus fortes, des pianissimo, mais vraiment très pianissimo. Donc, pianissimo, je pense aussi à une répétition avec Giorgi Kurtag, où il y avait une pièce où le percussionniste devait faire un roulement sur une très très très grosse caisse d'orchestre, et ce roulement était marqué, mais pianississississimo, il y avait au moins 4, 5, 6 fois la lettre P pour vraiment jouer piano. Et il dit, Kurtag, et il dit, oui, je veux vraiment un pianissimo, mais je veux qu'il soit énorme, ce pianissimo. Donc, ça c'est extraordinaire, ça veut tout dire. Une grosse caisse qui joue pianississimo, mais on lui demande de faire un pianississimo énorme, alors que c'est plutôt un forte qu'on a envie de dire énorme. Et tous ces compositeurs, tels que Boulez, tels que Stockhausen, on passe un temps énorme, mais à travailler une sorte de pierre, oui. Et on travaille cette pierre-là. Mais on va sculpter, on va poncer, on va donner des coups de marteau, ou on va polir. C'est tout un objet, un objet magnifique sur lequel on travaille. Et je me souviens, pour finir, je devais jouer en toute amitié de Stockhausen. J'avais travaillé, moi, la partition. Bon, et je ne savais pas comment faire, finalement. Il y a quelque chose qui me manquait. Et je demande à Pierre Boulez que faire. Il me dit, tu lui téléphones, c'est tout, c'est comme ça. Hein. Il a écrit, tu lui téléphones. Je téléphone à Stockhausen et il me dit, viens. Et j'ai eu cette chance, c'est un honneur, mais de rester chez lui pendant 4-5 jours. Mais alors on travaillait à partir de 8h, 9h du matin. Et je me souviens que cette première note est un mi en ut, donc un fa dièse en si bémol. Et il me dit, il s'installe en position de yogi, un peu, sa position, il faisait du yoga tous les matins, et j'entends une voix qui me dit « Stockhausen, t'écoute ». Bon, ça m'a fait un grand choc, et je commence, première note, et j'entends « trop fort ». Je recommence, « trop piano ». Trop court, trop long. Et on a travaillé comme ça toute la pièce. Alors, 4-5 jours, dans une épreuve d'échange comme ça, ça vous reste marqué à vie. Et vous apprenez sur vous-même, sur l'instrument, sur la partition que vous allez devoir jouer une semaine après. Ça, c'est formidable. Donc, Stockhausen et Carter, comme je disais, ce concerto, on a travaillé de la même façon, et je ne sais plus combien d'heures on a passé à New York. Mais quand je suis sorti de son appartement, d'Eliot Carter, je suis rentré à Paris, et la création avait lieu quelques jours après. Eh bien, on arrive sur scène, mais on sent qu'on est prêt. Ça y est, on fait semblant d'être totalement naturel, mais tout est fait avant. C'est-à-dire, c'est moi qui joue, mais à la fois, j'ai envie de dire, à un moment, c'est pas moi, c'est ma mémoire qui est en train de jouer. Et donc, avec Boulez, ça s'est passé très très vite. On a répété, quoi, 1 heure, 2 heures, et tout était vraiment mis en place. Et Carter est arrivé, il a écouté, et voilà. Et donc, j'adore, bien sûr, ce concerto, parce que tout est là. Il s'est servi de cet instrument, la clarinette, dans tous les sens de la nuance, de la vélocité, des extrêmes de dynamique, de la ponctuation. Et il n'y a pas de voix, pourtant, il n'y a pas de chant. Mais on a l'impression, moi j'ai l'impression, qu'il y a un chanteur ou une chanteuse, quelquefois à la place de la clarinette. Et quelquefois, c'est un peu comme une petite, toute petite phrase, une petite poésie. Et voilà, le son est là, la musique est là, et on occupe l'espace dans cette pièce. Thank you. Thank you. Plus qu'un échange, il y a un don de l'artiste qu'on reçoit. Et ça aussi, il faut le signaler.